Food Folk. C'est fou. 89 ans. Cette semaine, on Mathieu Planchot. Dans Television, Television, la saison 5 de Game of Thrones, diffusée simultanément dans le monde entier. Ça va être le fun pour ceux qui n'ont pas encore vu les 4 premières. Hein. Ça va être spoiler alert. Dans le segment Geek CNX au Japon, la transmission d'électricité par micro-ondes arrive. Moi, j'attends la transmission de l'odeur du popcorn par les ondes électriques. Et dans Merci Science, les lumières LED ont-elles déjà leur successeur? Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante commence tout de suite. Et voici celui qui vient avec un extra beurre en option. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue à Mathieu Plante, show avec Mathieu Plante pour la semaine du 9 mars, 16 mars, 16 mars, oui, 16 mars 2015, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, l'émission La chronique télévisuelle, Television, Television, le segment Geek, CNX, C'est un fait, Tech Edition et la chronique de science, technologie et médecine, merci science. On va aussi continuer notre série musicale Spin Dash Supersonic Remix Album from Game Chops. Pour commencer, par contre, on écoute un peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et le premier extrait que je vous présente, si tout va bien, c'est celui de Life in the Fox. Voici Hopes Down Low au Mathieu Plante Show. À maintenant. Tout de suite. Là. Là, non. Non, pas là. Et waouh. C'est super. C'est vraiment parfait. Tout ça. Génial. Ouais. Ouais. Super. Hein? OK. Ben, c'est ça. Fait que. Tantôt. On va faire ça tantôt. OK. Bye. Tantôt. Bye. Ah là là, mais maudit, mais maudit. We'll be right back. C'était Life in the Fox et Hopes Down Low, Mathieu Planchot. À notre première chronique sur le bar, c'est toujours Television, Television. Télévision, Télévision, bien sûr la chronique où on parle de télévision et on débute avec la grosse nouvelle du moment. Vous avez certainement entendu parler de ça depuis hier, mais quand même, je vous le dis pour ceux qui ne savent pas, c'est un moment historique à Musique Plus et Musimax qui vont cesser les productions internes à partir du 27 mars. Il reste environ donc 2 semaines. Groupe Média a annoncé une vague de compression. Une vingtaine d'employés perdent leur poste, oui. L'entreprise louera désormais ses studios à des producteurs indépendants qui vont engager d'autres employés que ceux de Musique Plus et Musimax. Évidemment, ils vont être libres d'engager qui ils veulent. Donc, j'imagine que les vedettes de Musique Plus pourraient se retrouver dans une production future de Musique Plus, puisque ça va être fait par un sous-contractant. L'automne dernier, l'entreprise prenait la décision de renvoyer 20 personnes, autant chez V que chez ses deux chaînes spécialisées. Puis en décembre, 4 émissions passaient à la trappe. On se rappelle de Monsieur Net en nombre depuis 1998. Groupe V Media a annoncé que ses deux chaînes musicales subiraient une importante transformation au cours de la prochaine année. La décision du CRTC de réduire les quotas de contenu canadien, on va en parler en quelques instants. Ouvre grand la porte à la diffusion d'acquisitions étrangères qui affectionnent évidemment la direction de ces antennes-là. On risque de voir encore plus des célèbres dames Kardashian dans les prochains mois. Évidemment, Musique Plus dit travailler sur l'horaire d'été en ce moment, donc j'imagine qu'il va y avoir des nouvelles émissions à présenter là. Certainement pas juste des acquisitions, j'ai bien hâte de voir ça. J'ai hâte aussi de voir s'ils vont continuer dans la même lignée qu'en ce moment où tu peux regarder VTélé ou Musimax en même temps entre 7h et quelque chose comme le début de l'après-midi, midi dans ces coins-là, et les deux passent la même émission en même temps. Ça commence bien plus, le petit talk show avec des vedettes, puis l'émission avec l'analyse de vidéoclips. Là. Tout ça diffusé en même temps à la même heure. C'est pas à 2 heures différentes pour essayer d'avoir 2 fois plus de public différent, mais 2 fois alors que c'est impossible que quelqu'un regarde les deux en même temps. Moi, je comprends pas cette idée-là, mais bon, regardez, c'est pas mon problème, hein? On parlera du CRTC tantôt parce qu'on reste au Québec, on y va en ordre de place, nous, dans Télévision Télévision. Donc, la prochaine nouvelle, c'est Maxime Leflaguet qui va jouer dans la peau de Champlain. Maxime Leflaguet s'est glissé dans la peau de Samuel de Champlain dans la docu-fiction Le rêve de Champlain, basée sur la biographie de l'historien américain David Hackett Fisher. Et ça va être diffusé sur les ondes de TFO. En fait, celui-là est diffusé depuis avant-hier. C'est 6 épisodes de 30 minutes. Le rêve de Champlain qui reconstitue l'histoire de l'homme qui rêvait de créer une nouvelle France. C'est animé par Marie-Louise Arsenault, épaulée de correspondants sur le terrain en France, aux États-Unis et au Québec. Un documentaire qui s'attarde aux origines du personnage mythique. Était-il né protestant? Était-il le fils illégitime du roi de France, Henri IV? Présenté à grands traits comme un modèle de persévérance, il retrace également les faits saillants de notre histoire. C'est réalisé par Martin Cadotte et ça remonte la ligne du temps et décortique sous toutes ses coutures l'homme qui a traversé 27 fois l'Atlantique, le navigateur, le cartographe, l'ethnologue, l'écrivain, le militaire et le diplomate. Maintenant, bon, on y va avec quelque chose qui pourrait plaire aux amateurs de People québécois un petit peu. Selon le magazine, justement, People, ce n'est qu'une question de temps avant qu'on voit au petit écran la veuve de Kurt Cobain, Courtney Love, et l'actrice Karen Vallas ensemble. Hein? Donc, Courtney Love, âgée de 50 ans aujourd'hui, interpréterait le personnage de White Gold dans l'émission Vengeance aux États-Unis et en français à Radio-Canada. Le successeur, maintenant, on passe au Canada. Le successeur de... Il se passait pas grand-chose au Québec, comme on peut voir, pour que j'aille gratter jusque dans People, comme ça. Le successeur de Gian Gomeschi a été dévoilé. On connaît enfin le nom de l'animateur qui va prendre la tête de la populaire émission de radio Q sur les ondes de la CBC pour remplacer Gian Gomeschi, accusé d'agression sexuelle il y a quelques mois. Le rappeur canadien Shad, âgé de 32 ans, a été choisi parmi une vaste liste de 200 candidats. Bien connu du grand public, il a remporté en 2011 le prix de l'album Rap de l'année au gala des Juno contre nul autre que Drake. Rappelons que Q est une pièce maîtresse de la programmation de la radio de CBC. L'émission est d'ailleurs aussi diffusée aux États-Unis. La nouvelle de la nomination de Shad a été reprise sur Internet par de grands journaux américains hier. Ensuite, on y va avec le CRTC. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes qui a annoncé l'élimination de ses quotas d'émissions canadiennes imposés jusque-là aux stations locales durant la journée. Dans un discours prononcé devant le Cercle canadien à Ottawa, le président du CRTC, Jean-Pierre Blais, a indiqué que les quotas à la télévision sont une notion hautement anachronique dans une ère d'abondance et dans un univers où prime le choix. Les quotas qui étaient auparavant de 55% en journée seront donc éliminés jusqu'à 18h. Les quotas de 50% imposés en heure de grande écoute, soit de 18h à 23h, seront cependant maintenus. Le CRTC juge en effet qu'il est important pour les émissions canadiennes de continuer à être disponibles pour les téléspectateurs à cette plage horaire, surtout parce que la substitution de signaux procure aux stations de télévision un incitatif à diffuser des émissions étrangères. C'est peut-être un défaut, faut peut-être pas s'en vanter. C'est ça qui fait que les grandes chaînes, CTV, Global, les autres, vont acheter des émissions américaines, vont simplement diffuser des pubs canadiennes dedans. C'est ça. Ben, c'est en même temps. Le CRTC uniformise par ailleurs les exigences pour les chaînes spécialisées qui varient actuellement de 15 à 85% selon ce service. À l'avenir, les chaînes spécialisées devront s'assurer que 35% de toutes les émissions qu'elles diffusent globalement sont créées par des Canadiens. Il n'y aura plus d'exigences particulières en soirée. Dans l'objectif de permettre aux créateurs canadiens de produire du contenu pouvant rivaliser avec le meilleur au monde, le CRTC lance deux projets pilotes pour la production et le financement d'émissions canadiennes. En vertu du premier projet, le CRTC considérera comme canadiennes les productions dramatiques ou comiques en action réelle, donc avec des humains, basées sur des adaptations de romans best-sellers d'auteurs canadiens. Ah, ça étire les règles. Hein. Pour le deuxième projet pilote, seront considérées comme canadiennes les productions dramatiques ou comiques en action réelle ayant un budget d'au moins 2 millions de dollars par heure. Ces deux projets pilotes seront assujettis à des critères additionnels, notamment celui d'avoir un scénariste canadien, un interprète principal canadien et une société de production canadienne. Je cite tant et aussi longtemps que l'histoire sera racontée par un Canadien. Trouvons les personnes les plus talentueuses pour y travailler et réalisons une œuvre qui va conquérir le monde. Oubliez la signature créée au Canada. Nous voulons du contenu qui est créé par le Canada. Par ailleurs, le CRTC a choisi d'éliminer les règles obligeant les chaînes spécialisées comme Music Plus ou HGTV Canada à ne diffuser que certains types d'émissions et ce, afin de favoriser l'émergence d'un marché plus ouvert et plus concurrentiel. Le CRTC permettra également aux services de vidéo sur demande d'offrir du contenu exclusif aux abonnés des services de télédiffusion par câble ou par satellite, pourvu que ce contenu soit aussi offert par Internet à l'ensemble des Canadiens sans qu'ils aient besoin d'être abonnés à un service de télévision. Donc, c'est un article qu'on lisait ici de la presse canadienne. Grand Theft Auto qui pourrait être transposé à la télévision, mais c'est pas vraiment le cas. Vous avez peut-être vu la nouvelle circuler, mais la BBC a annoncé qu'elle produira une dramatique liée à la série de Grand Theft Auto, le jeu vidéo. C'est toutefois pas à ce à quoi vous vous attendez. Aura-t-on droit à une télésérie mettant en vedette les personnages de Michael DeSanta, Franklin Clinton, Trevor Phillips, peut-être même Nico Bellic ou Tommy Vercetti? Malheureusement, non. Ce sera pas une production vaguement inspirée de l'univers de Grand Theft Auto non plus. En fait, pour une raison inconnue, la BBC n'a pas cru bon de spécifier exactement quelles étaient ses intentions derrière son projet dans son communiqué, si ce n'est que de rappeler que Grand Theft Auto est l'un des succès les plus extraordinaires et les plus controversés de l'histoire. Quiconque est familier avec l'actualité de l'industrie du jeu vidéo sait que Rockstar, le concepteur de la série, a toujours été récalcitrant à l'idée de voir son œuvre déclinée au cinéma, nous dit branchez-vous.com. Sans surprise, la situation n'est pas différente lorsqu'il est question du petit écran. Tel que le rapporte Engadget, le projet de la BBC est en réalité un téléfilm qui portera sur la création du premier jeu de la série et non dans l'univers de celui-ci. L'œuvre de fiction de 90 minutes sera diffusée sur les ondes de la BBC 2 à un moment qui n'a toujours pas été annoncé. Tout porte à croire que les événements transposés au petit écran seront inspirés de faits réels à l'instar de longs métrages comme The Social Network pour Facebook ou encore Jobs pour Apple. Si l'action de la série Grand Theft Auto se déroule majoritairement aux États-Unis, le premier jeu a été développé en Écosse en 97 par DMA Design qui a été rebaptisé Rockstar North en 2002. Qui explique pourquoi la BBC a été choisie à titre de maison de production. Ensuite, Kevin Spacey s'intéresse à d'autres présidents américains. L'acteur Kevin Spacey, qui joue le rôle de Frank Underwood dans la série House of Cards, que je comprends toujours pas pourquoi elle s'appelle pas Château de cartes, j'imagine qu'il y a une raison pour faut le regarder, je ne sais pas, va produire une nouvelle série documentaire sur les présidents américains. L'acteur sera la voix hors champ de cette série de 6 épisodes pour CNN, intitulée Race for the White House. Chaque document se concentrera sur les différentes campagnes présidentielles. Dana Brunetti, la coproductrice de House of Cards, sera aussi coproductrice du projet, la série qui devrait être diffusée en 2016 aux États-Unis. L'ensemble de la 5e saison de la série de HBO Game of Thrones, Le Trône de Fer, sera diffusé simultanément dans 170 territoires, on nous précise. La chaîne de télévision payante américaine HBO diffusera simultanément le premier épisode du 12 avril à 21h avec l'aide de partenaires mondiaux et ses propres réseaux de marques HBO, notamment HBO Asia, HBO Canada, ici même au Canada, HBO Europe, HBO Latin America, Netherlands et Nordic. Le reste de la saison 10 sera diffusé simultanément à l'échelle mondiale de la saison de 10 épisodes. Ouais, dites des affaires comme fou, c'est la 5e saison. Donnant aux téléspectateurs en Europe et en Afrique la possibilité de voir la série en même temps que les fans aux États-Unis. Dans les saisons précédentes, les épisodes étaient décalés dans le temps pour d'autres territoires. C'est ce qui me dérange un peu. J'ai hâte de voir comment ils vont réussir à régler le problème que les autres pays ont des fois une ou deux saisons de retard. Si tu diffuses la saison la plus récente en temps réel, il te manque un petit bout. Hein? La nouvelle arrive la même semaine que HBO a confirmé son partenariat avec le géant de la technologie Apple. On en parle seulement en bref parce que tout le monde en a parlé, mais HBO Now, le mois prochain, aux États-Unis, va vous permettre de regarder HBO, mais pas vous, parce que vous êtes pas aux États-Unis, mais de regarder HBO pour un prix par mois. à volonté. Un service qui va être lancé en même temps pour la première de Game of Thrones, donc saison 5. Et Jessica Lange qui quitte la série Histoire d'horreur. C'est confirmé, l'actrice de 65 ans conserve cependant de magnifiques souvenirs de ses 4 saisons au sein de la distribution, dit-elle. J'ai fini, on a eu une belle séquence, j'ai absolument adoré jouer ces 4 personnages. Dans toute cette folie, j'ai aimé les scénaristes, les acteurs, Ryan Murphy, le créateur, et toute cette folie de tourner ici en Nouvelle-Orléans, et tout, et tout, et tout. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'elle a dit. Histoire d'horreur qui se tourne donc vers l'avenir avec Hotel, Sarah Paulson, Alexander Skarsgård, Kathy Bates, Dennis O'Hare, Angela Bassett, Evan Peters, Lily Rave, Michelle Pfeiffer, Matt Bomer, Dylan McDermott, Donald Sutherland, Cheyenne Jackson et Lady Gaga qui vont être dans la saison 5 de la série American Horror Story. Y aura-t-il une version américaine pour l'attaque des titans? Le site Anime News Network a trouvé un indice qui pourrait nous guider vers une version américaine de la série animée japonaise Attack on Titan, l'attaque des titans. En effet, le site qui se spécialise dans la couverture des nouvelles sur les animés japonais a découvert que la filiale de divertissement Sony Pictures Entertainment a enregistré plusieurs noms de domaine américains liés à Attack on Titan. Donc, ce serait un nom différent, ce serait Attack on the Titan. Donc, Attack on the Titan, tradeunionmovie.com, tradeunionmovie.net, .com.net, movie.com, themovie.com et themovie.net. Tous ces domaines sont redirigés présentement vers le site officiel de Sony Pictures. Et il faut pas oublier que 2 films avec des humains basés sur le manga de Hajime Isayama, Attack on the Titan, sortiront en salle en août et septembre prochain au Japon. Il y a aussi une compilation animée en 2 films basés sur l'animé de 2013. Le premier film est sorti en novembre dernier et le second sort le 27 juin. Voilà. Donc c'est ça, je regardais, je cherchais mes sources. Et c'est bien Attack on Titan habituellement, Attack on Titan. Et donc ça serait Attack on the Titan. J'étais pas sûr si c'était moi qui se trompais. Ça arrive fréquemment que je me trompe dans ces affaires-là. Voilà pour les nouvelles de télévision. Pas tant de nouvelles super intéressantes cette semaine, je trouve. Mais bon. Je pense qu'on va sauter. Est-ce qu'on saute? Non, on a le temps. Oui, voilà. Donc on y va avec les codes d'écoute. C'est Internet aujourd'hui. Hein. Donc, on y va avec les codes d'écoute pour le Québec. Position 15 à 6 pour la semaine du 2 au 8 février. Nouvelle adresse, accès limité, La Voix, Mémoire Vive, Vlog, Les Enfants de la Télé, Au Secours de Béatrice, Lance et Compte et 19-2 en 5e, LOL. En 4e, Yamaska, 3e, Les Beaux Malaises, 2e, Unité 9 et en première place, évidemment, La Voix, presque 3 millions. Du côté du Canada anglophone, c'est 15 à 6. How to Get Away with Murder, Hawaii Five-O, Person of Interest, Agent Carter, Arrow, Gotham, Les Nouvelles de CTV, Castle, Blue Bloods et NCIS New Orleans. En 5e, Criminal Minds, 4e The Flash, 3e NCIS, 2e Grammy Awards et en première c'est The Big Bang Theory avec 4 224 000. Quand même, 4 millions versus presque 3 millions pour La Voix. Pour le Canada au complet, c'est quand même proche, là. Je trouve pas mal proche. Voilà pour Television. Tout à l'heure, on parlera de science dans Merci Science. Mais avant ça, on retourne en Chip 2. On s'en va entendre Noiseka. Voici Cyber Ride, NPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. We'll be right back. changement. Vous êtes dans la zone 89.1. Zach Marseille et Jetfire au Mathieu Plante Show. Maintenant, on passe à Merci Science. Merci Science, c'est la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. On débute avec des histoires de rats et de souris, comme on aime en science d'habitude. Des chercheurs de l'Inserm sont parvenus à réparer le cortex de souris adultes en greffant des neurones corticaux dérivés de cellules souches embryonnaires. Une avancée majeure pour restaurer des fonctions après des lésions cérébrales. Le cortex cérébral, c'est une des structures les plus complexes du cerveau. Déjà, ça commence bien pour comprendre. Il est composé d'une centaine de types de neurones organisés en 6 couches et en de nombreuses aires distinctes sur le plan neuroanatomique et fonctionnel. Les lésions cérébrales, qu'elles soient d'origine traumatique ou neurodégénérative, entraînent une mort cellulaire associée à des déficits fonctionnels importants. Afin de pallier les capacités limitées de régénération spontanée des neurones du système nerveux central adulte, les stratégies de remplacement cellulaire par transplantation de tissus embryonnaires présentent un potentiel intéressant. Un défi majeur pour la réparation du cerveau est d'obtenir des neurones corticaux de couches et d'aires appropriées afin de rétablir de façon spécifique les voies corticales lésées. Les résultats obtenus par les équipes d'Afsana Gaillard, une unité Inserm 1084, laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques, Université de Poitiers, et de Pierre Van der Heijen, de l'Institut de recherche interdisciplinaire en biologie humaine et moléculaire de Bruxelles. T'as pas le choix de dire Van der Heijen? Démontre pour la première fois chez la souris que les cellules souches pluripotentes différenciées en neurones corticaux permettent de rétablir les circuits corticaux lésés adultes sur le plan neuroanatomique et fonctionnel. Des résultats qui paraissent dans Neuron, qui suggèrent par ailleurs que la restauration des voies lésées n'est possible que par des neurones de même type que la région lésée. Cette étude constitue une étape importante dans le développement de thérapies cellulaires appliquées au cortex cérébral. Cette approche n'est encore qu'expérimentale et uniquement chez la souris de laboratoire. De nombreuses recherches seront nécessaires avant une application clinique éventuelle chez l'homme. Mais pour les chercheurs, le succès de leurs expériences d'ingénierie cellulaire qui permettent de générer des cellules nerveuses de façon contrôlée et illimitée et de les transplanter constitue une première mondiale. Des travaux qui ouvrent de nouvelles voies d'approche de réparation du cerveau endommagé, notamment après les accidents vasculaires ou les traumatismes cérébraux. C'est un projet qui a été financé par l'Agence nationale de recherche. Des nanoparticules biodégradables qui délivrent des médicaments pourraient permettre de limiter le risque de rejet après une greffe de cornée. C'est le résultat encourageant obtenu sur des rats par des chercheurs de l'université Johns Hopkins. Donc, une des difficultés par rapport à tout ça, au rejet de la greffe de cornée, c'est au suivi du traitement par les patients après leur opération. Pour prévenir le rejet de greffe, ils doivent prendre des immunosuppresseurs comme des stéroïdes, mais ces médicaments administrés sous forme de gouttes dans l'œil nécessitent des doses fréquentes et la durée du traitement peut être longue, ce qui explique que de nombreux patients ne respectent pas toujours leur traitement, comme l'explique Walter Stark, un des auteurs de cette recherche parue dans Journal of Controlled Research. Je cite, « Environ 60 à 80% des patients ne prennent pas leurs médicaments comme ils devraient. Les scientifiques ont donc cherché un moyen de prévenir les rejets en utilisant des nanoparticules biodégradables qui libèrent des médicaments après l'opération. Ils ont testé sur des rats des nanoparticules d'acide polylactide coglycolide ou PLGA d'une taille de 200 nanomètres et contenant un corticostéroïde de synthèse, donc le phosphate sodique de dexamethasone. On va retenir juste le DSP. Les rats qui ont subi une greffe de cornée ont été séparés en 4 groupes. Un groupe qui a reçu des injections hebdomadaires pendant 9 semaines de nanoparticules biodégradables chargées de DSP. Les 3 autres groupes ont reçu des injections hebdomadaires de nanoparticules salines, de placebo ou du DSP en solution. Résultat, les nanoparticules ont délivré des doses de médicaments pendant 15 jours in vitro. Ça, c'est pas le résultat, c'est la suite de l'histoire. Et pendant au moins 7 jours après leur administration chez des rats, ce qui a permis de prévenir des rejets de greffe pendant les 9 semaines de l'étude. 65% du traitement est resté dans l'œil. Les rats ne montraient pas de signes de gonflement, présentaient moins de néovascularisation que ceux des autres groupes et leur cornée restait claire. À l'inverse, chez les trois groupes témoins, les greffes étaient rejetées et s'accompagnaient des symptômes suivants: édème sévère de la cornée, néovascularisation et opacité en moins de 4 semaines. Le seul groupe qui ne montrait aucun signe de rejet était celui qui avait reçu des injections de nanoparticules chargées de corticostéroïdes. Les greffes restaient viables chez 100% de ces rats, ce qui permet à un des auteurs de l'article de dire « c'est efficace à 100%. » C'est une découverte très prometteuse. La libération contrôlée de corticostéroïdes de manière locale pourrait donc réduire le taux de rejet de greffe de cornée, en particulier dans les jours suivant la chirurgie, quand le risque de rejet est le plus élevé, ce qui permettrait aux patients de suivre plus facilement leur traitement. Et finalement, lampe fluo compacte LED OLED dans le secteur de l'éclairage, l'innovation va galopante, nous dit Futura Science. Une équipe internationale de chercheurs propose maintenant de s'intéresser à la prochaine génération des technologies d'éclairage, celle des cellules électrochimiques électroluminescentes, donc les LEC au lieu de LED. Une efficacité redoutable jusqu'à 300 lumens par watt en laboratoire contre un maximum de 70 lumens par watt pour les lampes fluo compactes et pas plus de 20 pour les lampes à incandescence de nos grands-parents. Et une durée de vie exceptionnelle jusqu'à 100 000 heures alors que les lampes fluo compactes durent au maximum 15 000 heures et les lampes à incandescence pas plus de 1000 heures. Les LED apparaissent aujourd'hui comme des sources d'éclairage idéales. Selon l'ADEME, elles devraient s'imposer dans nos foyers dans moins de 5 ans. Pourtant, les LED présentent également quelques défauts. Leur processus de fabrication, par exemple, est relativement énergivore, car les LED sont des systèmes multicouches complexes dont les méthodes de production nécessitent un vide poussé et de haute température. Elles doivent également être protégées de toute exposition à l'air et à l'eau. De ce point de vue-là, les cellules électrochimiques électroluminescentes, les LEC, sont des dispositifs beaucoup plus simples. Elles ne comportent qu'une seule couche de matériaux actifs qui peut être travaillée en solution dans des conditions ambiantes et leurs électrodes peuvent être réalisés à base de matériaux simples comme l'aluminium. Si malgré ça, les LEC n'ont pas jusqu'alors attiré l'attention sur elles, c'est que leur durée de vie reste relativement courte. Un défaut que les chercheurs des universités de Bâle et de Valence pourraient bien être sur le point de surmonter. Dans un article publié récemment dans le journal Chemical Science, ils annoncent avoir conçu des LEC à base de composés moléculaires stabilisés par des anneaux aromatiques dont la durée de vie sous forme de films minces est supérieure à 2500 heures. Mais ce n'est qu'un premier pas, ils peuvent faire beaucoup mieux, disent-ils. Les métaux de transition qui peuvent former des ions d'une grande variété sont des matériaux de choix pour la constitution de la couche active du LEC. Après application d'une polarisation, les charges présentes dans la couche active se déplacent vers les électrodes, elles s'accumulent aux interfaces et provoquent ainsi une importante baisse de potentiel et la formation de zones fortement dopées. L'émission de lumière a lieu dans la zone intrinsèque située entre les zones dopées. Le ruthénium, un métal de transition de deuxième série, est le premier des métaux de transition à avoir été utilisé pour la fabrication de la LEC. Celles-ci n'étant susceptibles d'émettre que dans le rouge ou l'orange, elles étaient surtout très instables dans des conditions normales d'utilisation et opter pour un métal de transition de troisième série comme l'iridium a permis aux chercheurs des universités de Bâle et de Valence d'améliorer la stabilité du système et de choisir la couleur d'émission lumineuse grâce à la formation de structures originales. Et l'équipe envisage déjà de remplacer l'iridium par des métaux d'usage courant et beaucoup plus abondants comme le cuivre. Pour assurer une durée de vie élargie à leur LEC, les chercheurs des universités de Bâle et de Valence ont donc mis au point des complexes métalliques enrichis d'anneaux aromatiques. Ceux-ci s'organisent entre eux pour former une coque protectrice, un peu comme une fleur dont les pétales se referment sur son cœur pendant la nuit. Une structure qui rend le complexe particulièrement stable et qui permet également de choisir la couleur de la lumière émise selon les composants moléculaires sélectionnés. De quoi faire un pas de plus vers la conception de systèmes émetteurs de lumière blanche. Donc voilà, un très excellent article de Futura Science encore, les liens sur assemblagerequis.com. C'est tout pour Merci Science. Dans quelques instants, le segment Geek CNX, mais avant ça, en chiptune, on s'en va entendre Enrique de Chivas. Enrique de Chivas. Avec Plastic Man Original Version par rapport à sa version qui n'était pas originale, j'imagine. MPS, le Mathieu Plante Show. Sur ses fous. We'll be right back. Théo Mackie avec The Champions Run, précédé de Monsters and Chimeras Productions avec Plastic Man, original version, auteur Enrique Chivas. Ça nous amène au segment Geek Scenix. Dash.com. Félix, le segment geek de Mathieu Planchot. On parle de technologie, on parle de tout ce qui est rattaché à l'informatique, aux jeux vidéo. Débutons avec les nouvelles choses, les nouvelles du futur. Une banque qui teste l'identification par des battements de cœur. Un article de l'agence France Presse. Une banque britannique a annoncé étudier la possibilité que ses clients puissent utiliser des bracelets qui mesurent les battements du cœur afin d'accéder à distance à leur compte bancaire plutôt que de recourir à un bête mot de passe. Halifax, filiale de Lloyds Banking Group, explique dans un communiqué qu'elle vérifie la possibilité d'utiliser à cet usage le bracelet connecté NIMI. Cet appareil de conception canadienne se porte au poignet et permet d'authentifier son porteur grâce à un capteur électrocardiogramme. Encore une fois, le mot capteur me dérange, mais électrocardiogramme, ça va très bien. Qui permet de mesurer les signaux électriques du cœur. Il s'agirait d'utiliser ce bracelet pour pouvoir consulter ensuite ses comptes sur une application mobile sans avoir à entrer à chaque fois son mot de passe. Comme le souligne la banque, les électrocardiogrammes ont l'avantage par rapport à d'autres mesures biométriques comme l'iris ou les empreintes digitales d'être un signal vivant du cœur, ce qui limite les possibilités de falsification ou d'intrusion. Les essais n'en sont cependant qu'à une phase très précoce et Halifax n'a pas pour l'instant prévu de la déployer auprès de ses clients. Néanmoins, cette initiative montre que les banques britanniques sont de plus en plus ouvertes à l'égard des technologies d'authentification. Le mois dernier, les réseaux du groupe Royal Bank of Scotland, qui comprend RBS, NatWest et Ulster Bank, ont adopté la technologie Touch ID d'Apple, qui permet aux clients équipés d'un iPhone récent de débloquer leur application bancaire grâce à leur lecteur d'empreintes intégré à leur téléphone. Et l'an dernier, Barclays a lancé Beepay, son propre bracelet de paiement sans contact. Est-ce que vous regardez vos séries et films avec des sous-titres? Eh bien, vous allez peut-être progresser en anglais grâce à une nouvelle invention que j'ai trouvée vraiment cool cette semaine quand je l'ai lue. Ce qui ne s'est jamais donné, bien sûr, bonne conscience, en se disant que regarder des dizaines de séries américaines à la suite était une bonne façon de travailler son anglais. Ça se peut, et c'est comme ça moi-même que j'ai appris l'anglais, probablement que bien des gens qui écoutent aussi, c'est par là que ça commence. T'écoutes la fête à la maison, puis soudainement tu connais l'anglais. À force de se faire cette réflexion, des jeunes Français ont eu l'idée de créer des sous-titres intelligents qui permettent de se perfectionner en anglais en regardant ses films et ses séries préférées. Kevin Perez, je crois qu'il faut le prononcer en français, Kevin Perez, ingénieur informatique, et Félix Revert, ingénieur statisticien, ont lancé le site smartsubs.fr au début du mois de mars. Je cite, après avoir passé de longues heures devant notre ordinateur à regarder des séries et s'être posé des centaines de fois la question « Est-ce que je mets des sous-titres en anglais ou en français? » Nous avons eu l'idée de créer des sous-titres intelligents qui insèrent les traductions des mots et des expressions difficiles en anglais. Quel contraire, vraiment, des sous-titres qu'on trouve sur Internet d'habitude où les gens se cassent pas le biscuit, puis font du Google Translate, puis les phrases n'ont aucun sens. J'ai déjà parlé d'un blog là-dessus, les sous-titres de la honte, sur Internet, qui vous montrent des sous-titres qui sont tellement mal traduits que ça se peut juste pas, puis ça en est très, très drôle, à mon avis. Donc, comment ça marche? Les ingénieurs ont conçu un programme qui repère les mots définis comme complexes dans un corpus de texte. Donc, ici, c'est le fichier de sous-titres. Du côté des utilisateurs, ceux qui veulent essayer ce service doivent se rendre sur le site smartsubs.fr. Les utilisateurs possédant un fichier vidéo ou un fichier de sous-titres doivent déplacer leur fichier dans l'encadré central accessible depuis l'onglet vidéo. C'est ce que détaille la compagnie. Presque instantanément, les sous-titres intelligents deviennent disponibles. Un lecteur multimédia standard comme VLC pourra insérer ces sous-titres-là dans la vidéo. L'utilisateur peut également réviser les mots de son film ou de sa série directement sur le site depuis l'onglet s'entraîner. Deux modes sont proposés à l'utilisateur. Le mode débutant, Beginner, qui donne les sous-titres classiques anglais avec en plus les traductions des mots difficiles en incrusté. Advanced, qui ne donne les sous-titres que lorsqu'il y a des mots difficiles. Donc, on va vous laisser aller en anglais et quand il y a une complication, on va vous sous-titrer ça. Ses sous-titres de Smart Subs qui peuvent s'adapter au niveau de la langue d'utilisateur. Une très, très bonne idée. Il y a des questions sur la légalité de la chose. Là, c'est écrit dans l'article. Vous savez déjà qu'il y a probablement un côté légal à ça. Et bon, tu sais, on peut passer outre ça. SmartSubs.fr, l'article sur assemblagerequis.com. Il faudrait au bas mot 2500 tirs de fusée pour emporter tout le matériel requis et déployer des trésors d'ingéniosité et de techniques à inventer pour y parvenir. Mais le Japon rêve, et ce depuis des décennies, d'installer un parc solaire dans l'espace. Il ne fait d'ailleurs pas qu'en rêver, il travaille là-dessus. Depuis 1998, les recherches sont lancées. Et depuis 2009, les industriels avancent vers le développement d'un démonstrateur. Ce mois-ci ont eu lieu des expérimentations qui marquent des avancées importantes dans la transmission d'électricité sans fil, une technologie qui pourrait servir non seulement dans l'espace, mais aussi sur Terre. D'abord, c'est l'agence japonaise d'exploration spatiale, la JAXA, qui a annoncé avoir réussi à convertir et transmettre de l'électricité par micro-ondes sur une distance de 55 mètres. C'est la première fois qu'est envoyé ainsi l'équivalent d'une puissance de 1,8 kW par micro-ondes vers une petite cible en utilisant un dispositif de contrôle de la directivité. Produire de l'électricité avec des panneaux photovoltaïques au niveau interstellaire et d'envoyer ensuite vers la Terre, c'est contourner les caprices de la météo et s'affranchir des cycles jour et nuit qui empêchent d'exploiter à plein l'énergie du soleil. Pour le Japon, qui n'a rien, pas de pétrole, pas de gaz, le coût de l'énergie n'est pas seulement financier, il est politique. Il est difficile d'utiliser de façon extensive l'énergie nucléaire à cause de l'accident de Fukushima et de ses terribles conséquences. Il faut à tout le moins avoir de l'imagination et de l'ambition. Et c'est ainsi que le Japon se fixe pour but de s'approvisionner en courant directement depuis l'espace, et ça a compté de 2040 ou un peu après. Concrètement, des vastes panneaux photovoltaïques, à l'instar de ceux employés au sol, convertiront l'énergie des rayons de soleil en électricité avec une capacité annuelle 5 à 10 fois supérieure à celle générée sur Terre à air identique. Ce courant sera à son tour transformé en flux énergétique transmis par faisceau laser ou micro-ondes jusqu'à la Terre où il sera capté par une gigantesque antenne parabolique dédiée et retransformé en électricité. D'ici quelques années, le JAXA voudrait placer en orbite basse un satellite de démonstration destiné à l'expérimentation de la transmission par micro-ondes dans l'espace après avoir perfectionné le dispositif au sol. Puis il s'agira de vérifier la faisabilité d'un assemblage par des robots, des éléments constitués d'une large structure photovoltaïque flexible d'une puissance de 10 MW. Ceci était initialement prévu aux alentours de 2020. Ensuite, un prototype d'une puissance de 250 MW est censé être placé en orbite géostationnaire. Il servira à tester l'ensemble du système et à mesurer sa pertinence sur le plan financier. Les chercheurs se fixent pour objectif de développer un système définitif de 1000 MW, l'équivalent à un réacteur nucléaire de moyenne puissance, qui permet de générer de l'électricité à un coût équivalent à celui de la production solaire sur Terre, soit aux alentours de 2030. Voilà. Les ministères de l'économie, du commerce et de l'industrie et des sciences et techniques venaient alors de confier à ce groupe plus connu pour ses bateaux ou son activité aéronautique le développement de dispositifs et des différents éléments expérimentaux. Sont depuis aussi impliqués au sein de l'Institut de recherche sur les engins spatiaux inhabités 17 sociétés, dont les groupes d'électronique Mitsubishi Electric, NEC, Fujitsu et Sharp, ainsi que divers autres industriels. À peine la JAXA avait-elle fait son annonce que MHI disait mieux encore, affirmant photo à l'appui être parvenu à faire passer une puissance de 10 kW sur une distance de 500 mètres en exploitant la conversion d'électricité en flux énergétique transmis sans fil. Cette expérimentation menée à Kobe West, là encore en utilisant des micro-ondes et un dispositif de contrôle de la directivité, à l'arrivée les diodes électroluminescentes LED dessinant les trois lettres MHI se sont illuminées. Mais le groupe ne s'en tient pas à l'emploi de cette technique dans l'espace. Ils espèrent auparavant des applications concrètes d'ici peu, à savoir dans les 5 ans, et de penser notamment au remplacement d'infrastructures détruites par une catastrophe naturelle. Ils imaginent aussi le transport du courant produit par des éoliennes installées en mer, un de ses nombreux domaines de compétences. Le groupe juge même possible d'alimenter ainsi des véhicules électriques, même si le rendement de ce type de technologie plafonne encore à 10% environ. Il est en théorie possible d'espérer d'élever à 40% selon les experts du secteur. Le Japon n'est pas le seul pays à traverser sur ces technologies, mais c'est assurément un des plus motivés, compte tenu d'une dépendance énergétique qui le rend très vulnérable à l'évolution de la situation politique des pays du Moyen-Orient, desquels il importe l'essentiel des ressources dont il a besoin, parce que, comme on l'a dit au début de l'article, ils n'ont pas grand-chose à eux. Maintenant, on parle de réalité augmentée. Si la réalité augmentée peine à trouver sa place sur Terre, la situation pourrait être différente dans l'espace. Hein? Tu sais, on mélange les thématiques en ce moment. Donc, en effet, la NASA a l'intention de se pencher sur l'usage de cette technologie pour aider les astronautes dans leur mission. Les Google Glass n'ont visiblement pas convaincu les technophiles, mais leur héritage pourrait servir dans l'espace. La NASA a annoncé une collaboration avec le designer et développeur Ralph Osterhout, dont l'entreprise basée à San Francisco travaille sur des lunettes à réalité augmentée. L'objectif du partenariat est d'étudier les différentes manières dont cette technologie pourrait servir à faciliter le travail des astronautes durant leur mission. Parmi les usages envisagés, on trouve notamment l'affichage des checklists, donc des listes à cocher sur l'écran des lunettes, un support guidé par une téléprésence ou encore la possibilité de superposer des marqueurs numériques sur les machines ou le matériel sans perturber l'astronaute qui n'aurait rien d'autre à faire que de se concentrer sur son travail. Des fonctionnalités qui sont décrites comme de la réalité assistée, elles pourraient faciliter la vie des astronautes qui ne peuvent pas toujours utiliser des ordinateurs lorsqu'ils sont en apesanteur. Des expériences vont être réalisées à des lunettes développées par l'Osterhout Design Group et qui peuvent fonctionner de manière autonome à tout terminal portable. Une fois devant les yeux, elles permettent d'afficher l'équivalent d'un écran de 55 pouces avec une définition de 720p, le tout en 3D. Un capteur de 5 mégapixels est également de la partie, tout comme un processeur Qualcomm Snapdragon 805. Ces lunettes ne sont pas nouvelles et sont notamment déjà testées par l'armée américaine. Le premier modèle n'est pas destiné au grand public et chaque paire coûte la bagatelle de 5 000 $. Donc le futur a un prix. Parlant de réalité virtuelle, ça permet de vivre toutes sortes d'expériences, mais celle d'être enterré vivant était jusque-là inédite. Avec Tafobos, conçu à l'occasion d'un marathon de développement, c'est désormais possible sous la forme d'un jeu vidéo. Et être enterré vivant est l'un des pires cauchemars possibles. Je pense que la plupart des gens diraient que c'est probablement un de leurs cauchemars. C'est une fois dans leur vie, au moins, on a rêvé à ça. Donc, on peut expérimenter ça sans risque, à condition de disposer d'un casque Oculus Rift et d'une grosse boîte dans laquelle s'installer pour donner à l'ensemble une petite touche anxiogène. Tafobos, mélange de Taphos, le mot grec pour tombe, et Phobos, la phobie, un jeu conçu en 2 jours par les étudiants de l'université de Nottingham, propose à une personne de simuler son enterrement prématuré dans un cercueil où l'oxygène commence à manquer. Mais à l'inverse de certaines simulations de réalité virtuelle qui se contentent de reproduire une situation donnée sans grande interaction, Tafobos prend la forme d'une expérience coopérative entre 2 joueurs. Le premier est enfermé dans un cercueil et enterré vivant dans un endroit qu'il ne connaît pas, mais dispose d'un microphone avec lequel il peut virtuellement appeler un autre joueur, qui est quant à lui installé devant un ordinateur dont il se sert pour explorer un environnement virtuel en vue à la première personne. L'objectif du jeu, c'est que la personne enterrée doit donner des indices pour que celle qui est libre la retrouve avant qu'elle ne manque d'oxygène. Une expérience qui n'est pas sans rappeler le scénario du film Buried avec Ryan Reynolds de 2010, dans lequel un homme est enterré vivant, ne dispose que d'un briquet, d'un téléphone et de 90 minutes d'oxygène pour espérer s'en sortir. Film d'Hollywood, j'espère que vous n'avez pas manqué ça. Développé à l'aide du moteur Unity, Tafobos doit encore être amélioré avant d'être rendu disponible. Ses développeurs font néanmoins le tour des salons de jeux vidéo pour des démonstrations. Il est notamment possible de l'essayer au EGX Resed à Londres jusqu'au 14 mars. Moi, là, j'irais jusqu'à dire que dans le Dôme, c'est fou que cette semaine, sur le campus du QTR, là, du lundi au jeudi, à partir de la soirée, là, genre, le Dôme, c'est fou, hein? Que j'aimerais avoir plus qu'une démonstration de cette technologie-là d'enterrer vivant. C'est pour ça qu'on m'enterre dans le Dôme, puis qu'on appelle ça une démonstration de... Dôme. Moi, j'ai fait plein de jeux de mots de même à 8 lundi, puis ça n'a pas marché même à longtemps. On reste dans la réalité virtuelle, mais de la réalité virtuelle sans fil. Cela ne vous a certainement pas échappé, hein, parce qu'on en parle depuis comme 10 minutes. Mais la réalité virtuelle est en plein essor et elle n'est pas réservée aux grands noms de l'industrie. Si Oculus, Valve ou Sony travaillent sur leur solution, ils ne sont pas les seuls. La jeune société canadienne Soulan est également sur le coup avec son propre casque, le Cortex. À l'inverse de l'ensemble des appareils concurrents, le Cortex présente une solution tout à fait singulière. Au lieu de traquer les mouvements du joueur à l'aide d'une caméra externe, le Cortex repère les mouvements via un capteur interne intégré à l'appareil. La petite boule à l'arrière du casque, nommée l'Orbe, se charge en effet de scanner l'environnement de l'utilisateur pour gérer tous ses mouvements dans l'espace. Donc, on a rencontré Soulan durant le Game Developers Conference pour essayer le casque et juger sur les pièces. Donc, allez voir l'article sur assemblagerequis.com. Mais la première démo proposée s'appuyait sur la démo technique matinée réalisée sous Unreal Engine. L'objet de la session est double, prouver que le casque Cortex est capable de gérer les mouvements dans l'espace grâce à l'orbe, tout en adaptant la scène à la taille de la pièce. La séquence démarre, le combat débute alors qu'on se déplace librement dans l'espace. On s'approche des murs de la salle virtuelle. On touche, on s'aperçoit qu'il correspond effectivement à celui de la pièce dans laquelle on se trouve. Réellement. Hein, ça analyse l'environnement et les murs. La technique est tout à fait au point, nous dit jeuxvideo.com. Allez voir la petite vidéo sur assemblagerequis.com. Ensuite, le T-1000 inspire une nouvelle imprimante 3D. Vous vous rappelez T-1000, le terrifiant robot tueur en métal du film Terminator 2, capable de se liquéfier puis de se reformer, a inspiré aux États-Unis un nouveau type d'imprimante 3D. Le chimiste Joseph de Simone a présenté... Tout est en espagnol aujourd'hui. À la conférence TED de Vancouver, une machine capable d'imprimer en 3D des créations comme si elles émergeaient d'un métal liquide, rappelant le redouté robot T-1000. Si je savais c'était quoi 1000 en espagnol, je le dirais, mais je sais pas. De Terminator 2 surgissant d'une flaque argentée. Ils sont inspirés, bien sûr, de T-1000. Je cite, pourquoi ne pourrions-nous pas avoir un objet qui naît d'une flaque en temps réel sans faire pratiquement aucun déchet? De Simone et son équipe ont développé une technologie qu'ils ont appelée Continuous Liquid Interface Production ou encore CLIP, production par interface de liquide continu, qui exploite les pouvoirs de la lumière et de l'oxygène permettant à l'imprimante de donner rapidement vie à des objets à partir d'un matériau élastique avec des propriétés sophistiquées. Imprimer des parties d'objets à la vitesse d'un fabricant classique change la donne. nous disent-ils. Les imprimantes tridimensionnelles fonctionnent avec des couches successives de matériaux qui construisent lentement des objets pendant plusieurs heures, ce qui suppose qu'on ne peut pas utiliser de la résine car elle aura changé chimiquement de consistance avant la fin de l'impression. L'impression 3D est en fait un terme inapproprié, c'est en fait une impression en 2D qui imprime encore et encore par-dessus. Il y a des champignons qui poussent plus rapidement que les impressions en 3D, dit Desimone. Or, le système Clip est de 25 à 100 fois plus rapide que celui des imprimantes tridimensionnelles actuelles. Il utilise en outre de la résine synthétique aux propriétés mécaniques particulièrement solides pour fabriquer les dernières partie. Cette technologie pourrait transformer le mode de fabrication des voitures, des avions et des turbines jusqu'à celle des implants dentaires pour mieux les adapter aux patients. Le système Clip a été testé par un constructeur automobile, un fabricant de vêtements de sport, un studio de design d'Hollywood et un laboratoire de recherche. Desimone et son équipe ont ouvert un magasin dans la Silicon Valley et vont augmenter leur production d'ici un an, mais ils n'ont pas encore fixé le prix pour leur imprimante, mais ça a l'air tellement intéressant. Ah, maintenant, on va dans des foires de technologie. On s'en va au CeBIT. Robots et objets connectés font le spectacle. Un dinosaure pour éduquer les enfants, des robots industriels au service du grand public, un tapis de yoga intelligent, le salon de la haute technologie CeBIT de Hanover en Allemagne offre un nouvel aperçu d'une vie quotidienne toujours plus sophistiquée. Ce rassemblement de l'industrie des nouvelles technologies qui se déroulait du 16 au 20 mars, en fait, qui se roule encore sa bosse jusqu'à vendredi cette semaine, est réservé aux professionnels depuis l'an dernier. Autrefois temple du consommateur, il se concentre désormais sur les solutions d'entreprise ou les applications industrielles, mais les gadgets font de la résistance. Là de répondre aux éternels pourquoi et comment ça marche de vos enfants, ben laissez un petit dinosaure vert et IBM le faire à votre place. Derrière son art de T-Rex empoté, ce nouveau Cognitoy en a dans la cervelle. Selon cet article, il est connecté à Watson, le logiciel d'intelligence artificielle de IBM. Dino intello à la connaissance encyclopédique, non seulement il répond aux questions des enfants, mais adapte ses réponses en fonction de leur âge et de leurs préférences qu'il identifie. Par exemple, à la question « Qu'y a-t-il sur Mars? » il pourrait répondre « De la poussière rouge et des martiens » ou se lancer dans une explication plus scientifique, dépendant de son public. Beaucoup d'applications du CeBIT visent à mettre l'économie numérique et l'Internet des objets à la portée de tous. On en parle très souvent. Par exemple, la start-up berlinoise M2M Go qui veut permettre à quiconque de créer des applications sans connaître une seule ligne de code. Avec le produit, il suffit de placer des capteurs sur les objets de son choix et utiliser des fonctions préenregistrées de la plateforme pour créer une application capable de les exploiter selon les besoins de l'utilisateur. Exemple, optimiser la consommation énergétique des machines dans une usine chimique. Le projet RoboChap invite les consommateurs à s'immiscer sur la chaîne de production de sa tablette. Celui-ci peut configurer les contours d'un objet, un cube en l'occurrence, qu'un bras mécanique rotatif se charge de modeler en temps réel. C'est bien. Le CeBIT présente une multitude d'autres objets connectés pour la vie quotidienne. Bientôt, il sera possible de faire son yoga matinal sur un tapis avec plus de 6000 capteurs. Présenté par l'Institut technologique de Karlsruhe, il enregistre les pressions exécutées par son utilisateur et permet de compter les exercices, de mesurer le rythme respiratoire ou de visualiser ses points d'équilibre sur un écran. La santé est aussi un terrain de prédilection. Désormais, plus besoin de s'inquiéter pour les parents vieillissants. Une paire de capteurs dans leur habitation rendrait possible le fait de détecter leurs habitudes de vie sans enregistrer leurs moindres faits et gestes. Ça ferait seulement détecter leurs habitudes de vie en général. Eh bien, donc ça, c'est le CeBIT. C'est à peu près ça. Il y a un autre article aussi, je vous ai posté un autre article beaucoup plus long sur les détails du CeBIT sur assemblagerequis.com. Maintenant, une association veut verbaliser les piétons scotchés à leur téléphone intelligent. L'association allemande de piétons a proposé d'instaurer un système d'amende pour pénaliser les personnes qui utilisent leur téléphone intelligent tout en marchant dans la rue, arguant que l'usage de ces appareils augmente les risques d'accident. Image des amendes sanctionnant les automobilistes téléphonant au volant. L'Association nationale des piétons, le FUS, ça veut dire pied en allemand, propose de verbaliser les piétons qui, dans des lieux où la circulation est particulièrement dense, continuent à déambuler les yeux ou leurs oreilles rivées à leur téléphone, souvent juste une oreille. L'utilisation de ces appareils altère la perception de la circulation. C'est un truisme, comme on dit en anglais. Truthism, affirme l'association basée à Berlin dans la dernière livraison de son magazine écologique Mobilisch. Fuss évoque également des études mettant en évidence une hausse des accidents impliquant les piétons qui utilisaient leur téléphone. En Allemagne, les automobilistes sont plutôt dans le collimateur, déplore Fuss, qui, dans l'hypothèse d'un accident impliquant un piéton en train de téléphoner, propose que, pour le moins, sa co-responsabilité soit reconnue. Je cite, cela ne serait que justice. Et c'est une association qui propose même un slogan pour une campagne de sensibilisation qui serait « Marchons la tête haute ». Voilà, donc c'est le FUSS, l'Association nationale des piétons. Tel que prévu, le service de reconnaissance de musique CETOF Shazam va prochainement autoriser la reconnaissance d'objets et y adosser un service permettant d'acquérir directement ce même produit. À l'occasion du Mobile World Congress il y a quelques semaines à Barcelone, Shazam a indiqué qu'une nouvelle fonctionnalité va faire son apparition au sein du service. L'application va à présent reconnaître les images lorsque celles-ci sont prises avec la fonction photo d'un smartphone, ce qui permettra ensuite d'acheter ce même produit ou de débloquer des contenus liés. Shazam avait déjà mis en place les éléments lui permettant de proposer un tel service. La société a lancé en 2014 la fonction Shazam In Store. Cette dernière donne la possibilité aux utilisateurs d'obtenir des réductions sur certains articles lorsqu'ils ont recours à l'application en magasin. Le service reste invisible pour les utilisateurs pour l'instant. L'article commence à dater un petit peu, j'avoue. L'outil va reconnaître un son inaudible pour le client, fonctionnant sous la forme d'une empreinte. Une fois l'objet identifié, une vidéo ou un contenu sera lancé sur le smartphone. Pour aborder un nouveau pan de son activité, Shazam a levé la somme de 30 millions de dollars en janvier dernier. Cette somme lui a permis d'agréger de nouvelles personnes dans ses effectifs, mais également de signer des partenariats avec des éditeurs ou des éditeurs connus. Voilà, je suis en ce moment sur Shazam, sur mon iPhone, et je ne vois pas la fonctionnalité de magasinage. Donc j'imagine que ça s'en vient dans le futur rapproché. Je suis sûr que c'était pas affiché en plein quand tu ouvres l'application, tu sais. Hein? Ensuite, pourquoi les femmes semblent-elles délaisser la programmation? Dans les années 60 et 70 aux États-Unis, le nombre de femmes se lançant dans la carrière informatique augmentait au même rythme que dans d'autres domaines scientifiques. C'est en 84 que la situation a pris un tournant dans ce pays, avec une chute soudaine du nombre d'étudiantes en informatique, alors que les femmes étaient toujours plus nombreuses à s'orienter vers d'autres domaines scientifiques, en particulier la médecine et les sciences physiques ou exactes, ainsi que vers des branches traditionnellement masculines comme le droit et le commerce. Pourquoi? Une hypothèse évoque l'effet de l'ordinateur personnel et des jeux vidéo. Les femmes ont abandonné une discipline sur le point de révolutionner notre façon de communiquer, d'apprendre, d'échanger, d'acheter et de vendre. Pourquoi ont-elles décidé ou été contraintes de tourner le dos à la science qui aurait bientôt le plus grand impact sur les hommes depuis l'invention de l'imprimerie? Et pourquoi les femmes programmeurs sont-elles toujours aussi peu nombreuses, nous demande Futura Science. L'informatique est-elle fondamentalement différente des autres sciences? Alan Ullman, auteur et développeur de logiciels qui s'appuie sur les chiffres du Bureau of Labor Statistics, offre un point de vue éclairant sur la question. Dans un article du New York Times, elle présente la programmation sous un jour captivant, exposant les qualités nécessaires pour cette discipline. Je cite « Il faut en premier lieu être passionné par cet exercice, éprouver un besoin impérieux de sonder l'espace mystérieux qui sépare l'esprit humain du degré de compréhension des machines, les désirs humains de la capacité des machines à les satisfaire. Ensuite, il faut posséder une tolérance élevée à l'échec. » La programmation est l'art de la conception d'algorithmes, un talent pour déboguer les codes égarés. Pour citer John Backus, l'inventeur du langage de programmation Fortran, vous devez être prêt à affronter échec après échec. Vous devez avoir une multitude d'idées, travailler dur pour les concrétiser et finalement vous rendre compte qu'elles ne mènent à rien. Et continuer encore et encore jusqu'à ce que vous en trouviez une qui fonctionne. Outre les qualités propres à la programmation dont elle parle avec tant d'éloquence, Ellen Allman cite deux qualités humaines qui sont les critères de réussite souvent cités par les hommes comme les femmes participant à un projet scientifique, la passion et une tolérance élevée face à l'échec, c'est-à-dire la patience. Les femmes scientifiques ont sans aucun doute démontré leur passion et leur persévérance. Certaines études laissent même penser que les femmes sont plus patientes que les hommes. Alors pourquoi les femmes optant pour une carrière informatique sont-elles toujours moins nombreuses que celles qui choisissent d'autres domaines scientifiques? Ça n'est bien sûr impossible de savoir avec exactitude, certaines raisons ont néanmoins été avancées. Une théorie suggère que les filles et les jeunes femmes ne s'intéressent tout simplement pas autant à l'informatique que les garçons et les jeunes hommes. Les enquêtes révèlent que les lycéennes et les étudiantes voient la programmation comme une profession d'hommes et sont rebutées par le côté geek de la discipline. Je pense qu'on le sait tous. Hein. Le cliché selon lequel les programmeurs passent leur journée dans un cubicule, sans parler à personne, à leur bureau, la représentation des développeurs dans les médias a sans doute son rôle à jouer dans la perception de la programmation comme activité à dominance masculine. Mais certains facteurs culturels, comme les comportements de la famille et de la société, joue sans doute également. Si les jeunes filles entendent dire que les ordinateurs sont pour les garçons, elles sont plus susceptibles de se détourner de la technologie, surtout dans les sociétés traditionnelles où les rôles masculins et féminins ont tendance à être davantage imposés. Alors, dans un même ordre d'idées, les études ont démontré qu'en général, les hommes et les femmes ont un point de vue différent sur les ordinateurs. Il semblerait que les hommes s'intéressent plus souvent aux ordinateurs en tant que machines, indépendamment de l'utilisation qu'ils en font. Pour les femmes, les ordinateurs sont surtout des outils qui leur permettent d'accomplir des tâches. C'est comme ça que je vois la chose aussi. Là. J'ai un côté féminin développé, faut croire. Elles n'ont pas d'intérêt particulier pour les appareils en eux-mêmes ou pour leur mode de fonctionnement. J'en ai absolument rien à foutre, en tant que ça marche. Ce qui n'est pas toujours le cas, c'est fou, maman. Une théorie exposée récemment aux États-Unis sur le National Public Radio, ça c'est la radio publique, pourrait t'expliquer pourquoi les femmes ont commencé à se détourner de la programmation à partir de 84. C'est cette année-là que l'ordinateur a débarqué pour la première fois dans de nombreux foyers. Les premiers ordinateurs personnels servaient surtout à jouer, à la différence des PC qu'on utilise aujourd'hui où on travaille presque exclusivement. Ils sont commercialisés presque toujours pour les garçons. Cette génération de garçons a été la première à utiliser les ordinateurs dans un cadre non académique. À leur arrivée à l'université, ils possédaient déjà une connaissance de base de l'informatique et avaient donc une longueur d'avance sur les filles qui, pour la plupart, n'avaient jamais joué à un jeu vidéo. Jusqu'alors, les étudiants en sciences informatiques, hommes comme femmes, étaient sur un pied d'égalité, les compétences valorisées en première année d'études étant les mathématiques. Donc, avant 84, toutes les connaissances pratiques en informatique étaient acquises dans les salles de cours. Et après 84, les étudiants étaient censés en maîtriser déjà les notions élémentaires. On ne vous apprenait pas la base. Les étudiants se sont donc vite retrouvés désavantagés sur le plan académique, mais également aux yeux de leurs homologues masculins. C'est alors qu'ils ont commencé à se détourner de l'informatique. Alors, que faire? Solution, c'est ce qu'on veut. Depuis plusieurs années, des mesures sont mises en œuvre pour encourager les filles à apprendre à programmer et à développer un intérêt pour les ordinateurs. Elles semblent porter leurs fruits. Parallèlement à ça, il est possible que les filles soient influencées par une réalité. La technologie impacte désormais presque tous les aspects de nos vies. Et savoir programmer est un atout même dans certaines professions a priori sans lien direct avec l'informatique. La situation évoluera, il faut l'espérer. Si l'informatique a besoin des femmes au même titre que les autres domaines scientifiques, les femmes ont-elles aussi besoin de l'informatique? En raison de son impact aussi considérable que durable sur notre monde, ce domaine devrait bénéficier d'une mixité aussi grande que possible. Voilà. C'est un article qui provient de la série en ligne Discover, avec H-E-R, c'est un jeu de mots. Forte d'un engagement de plus de 16 ans pour la promotion des femmes de science, la Fondation L'Oréal propose des rencontres avec des femmes de science d'aujourd'hui et d'hier sur son média en ligne Discover. Donc le site c'est discover-her.com/fr pour la version en français. Article que je trouve vraiment, vraiment fascinant et allez le retrouver sur assemblagerequis.com. On va y aller rapidement avec quelques dernières petites affaires pour commencer avec les vidéos 360 sur YouTube. On avait vu des caméras, différents angles de caméras dans les dernières semaines. On avait parlé un petit peu au Mathieu Plante Show où on pouvait choisir un angle un peu comme sur les bonus DVD. Maintenant, qui n'a jamais rêvé de pouvoir décaler un petit peu le cadre d'une vidéo pour voir ce qui se passe autour, et bien c'est maintenant possible avec les vidéos filmées en 360 degrés. Concrètement, quand vous regardez ces vidéos, vous pourrez naviguer dans l'image, un peu comme les vieux QuickTime VR, la réalité... comment ça s'appelait, QuickTime? C'est-tu VR? C'est un QuickTime que tu pouvais avec ta flèche aller d'en haut en bas, à gauche, à droite, mais t'avais un cercle en bas. Tu ne pouvais pas comme aller trop bas ou trop haut. C'était drôlement fait, mais c'était super cool. Bref, c'est un peu le même principe. On peut, pour le moment, utiliser un smartphone Android ou encore le Google Chrome, le furteur Internet. Et si vous êtes sur un ordinateur, il y a une petite croix directionnelle en haut à gauche de la vidéo qui permet de changer l'angle de vue. Vous pouvez aussi cliquer dans la vidéo, maintenir le bouton enfoncé, tourner la souris. Vous pouvez l'essayer avec une vidéo qui est sur assemblagerequis.com. C'est une vidéo de Formule 1. C'est quand même cool. Si vous voulez être impressionné, vous pouvez essayer sur un smartphone. La caméra suit le mouvement du téléphone, vous donnant l'impression d'être vraiment à la place du pilote. Sensation similaire à Oculus Rift, mais sans avoir un casque sur la tête, sans la 3D, puis sans telle affaire. Finalement, c'est comme pas du tout, comme Oculus Rift. Seulement quelques vidéos, souvent des sports extrêmes, sont disponibles à 360 degrés. Il y a un petit amalgame florilège de ces vidéos-là sur assemblagerequis.com, comme toujours. Un docteur s'attaque aux mots de Wikipédia, nous dit Radio-Canada. C'est un médecin urgentiste de Cranbrook, en Colombie-Britannique, qui s'est donné pour mission de corriger les erreurs médicales publiées sur le site Wikipédia. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on a parlé d'un gars qui corrigeait tout le temps le mot. Je ne me rappelle pas c'était quel mot, là, mais une mauvaise utilisation d'un mot. Il avait fait comme. C'est un fait, assemblage requis. Il changeait chaque fois que ce mot-là apparaissait sur Wikipédia, il changeait pour le bon mot. T'sais. Il l'a fait comme pour des milliers d'articles, on se demandait, coudon, il n'y a pas de vie. Ben lui, au moins, il fait ça pour une bonne raison, le gars dont on parle, le Colombie-Britannique. Depuis 2008, le docteur James Heilman a dédié son temps libre à modifier les articles incorrects et à améliorer les informations médicales du site Wikipédia. Il a déjà corrigé des articles sur le cancer, la diarrhée et l'hépatite A et s'est donné comme objectif d'améliorer les 200 articles médicaux les plus consultés sur le site. Une étude publiée en 2011 dans la revue Journal of Medical Internet Research avait démontré qu'en moyenne 50% des médecins utilisent Wikipédia dans leur diagnostic. C'est pas ça, 50%. Le site était également la deuxième source d'information la plus utilisée pour les étudiants en médecine. Fait que tu sais, quand on vous dit que Wikipédia c'est n'importe quoi, ce n'est pas. Des connaisseurs dans le domaine le font, c'est juste que c'est en temps réel. Puis ça se peut qu'il y ait une faute, elle va être corrigée dans 2 secondes. T'sais. C'est pas moins. En tout cas. Donc, le docteur Heilman croit que ces statistiques ne devraient pas inquiéter les patients. Les médecins utilisent le site pour stimuler leur mémoire, mais s'informent aussi auprès d'autres sources. Pas tout le temps avoir une seule source qui est comme la vérité infuse. Pour compliquer sa tâche, l'urgentiste s'est aussi donné comme autre mission de traduire les 200 articles médicaux dans les 286 langues disponibles sur le site. Il collabore avec Traducteurs sans frontières, Translators Without Borders, un groupe qui met en relation des interprètes avec des organisations caritatives spécialisées en santé, nutrition et éducation. Bravo! Je me lève. Si j'étais apte à, je me lèverai, je vous ferai un slow clap. Bah, bravo. C'est juste bravo. Vous pouvez jouer à Cards Against Humanity en ligne gratuitement. Un téléphone, une tablette ou un ordinateur portable, c'est tout ce qu'il vous faut pour jouer désormais à Cards Against Humanity, le jeu le plus vulgaire et le plus sensationnaliste du monde que j'adore. C'est tellement cool. Donc, version en ligne sur le site Cards Against... ça s'appelle, attention, faut faire attention, cardsagainstoriginality.com. Ça inclut l'ensemble des cartes du jeu original, en plus des 5 expansions. Vous allez donc pouvoir démarrer une nouvelle partie avant d'inviter vos amis à la rejoindre. Puisque le plaisir qu'on retire du jeu, c'est principalement sur les rires que les cartes proposent. Il vous faudra être dans la même pièce que vos amis, ou du moins être en mesure de communiquer avec eux par voix, Skype, chat, peu importe. Cette version-là a l'avantage de drôlement faciliter la gestion des cartes blanches, particulièrement lorsque la carte noire exige une double réponse et que l'ordre de celle-ci est important. Parce qu'on sait que c'est... on a une carte noire. Par exemple, quel est le plaisir coupable de Batman? Et tu as des cartes blanches et on doit faire des blagues les plus drôles possibles. Par exemple... Les grosses femmes scandinaves, ou encore le cœur d'un enfant, mon fils bon à rien, des trucs comme ça. Et donc, tu matches, tu accouples les cartes noires avec les cartes blanches. C'est en gros le principe, et pour être le plus vulgaire possible et le plus drôle possible. Donc, c'est un jeu Cards Against Humanity offert sous licence Creative Commons. Donc, les gens ont le droit, peu importe qui peut imprimer un ensemble de cartes sans avoir à verser de redevances. Et c'est ça le principe de Creative Commons. Donc, ici, ça s'appelle Cards Against Originality. Ça a été conçu par un designer web canadien, Dawson Whitfield. Et l'article provient de branchezvous.com. La dernière nouvelle qui vient de sortir, en fait, c'était... C'est sorti hier midi, je l'ai lu ce matin. Donc, est-ce que ça compte? Pas vraiment, mais c'est récent. C'est ce que ça veut dire? C'est récent. C'est Nintendo qui fait un pas vers les applications mobiles. Le pionnier japonais des jeux vidéo, Nintendo, a annoncé mardi en partenariat pour le développement d'applications de jeux pour téléphone intelligent. Ça faisait longtemps qu'on en parlait. Ils ont insisté sur la priorité qu'ils continueraient d'accorder aux consoles, promettant même un nouveau modèle. Tout en s'associant à la société Dina, pour faire la promotion de ses personnages vedettes via la plateforme pour mobile de cette firme japonaise, Nintendo a indiqué être en train de concevoir une nouvelle machine portant pour le moment le nom de code de NX. Les informations la concernant seront données ultérieurement. L'entreprise a surtout expliqué qu'elle allait faire son entrée au capital de Dina dans le but de co-développer et gérer en commun des applications de jeux vidéo pour des objets intelligents. Il s'agira d'exploiter les personnages de Nintendo dans des applications ainsi que de gérer en commun un service de fidélité. Ils inaugurent une nouvelle ère d'utilisation de notre patrimoine, disent-ils. Pas question de proposer les mêmes jeux que sur console parce que ça réduirait la valeur, bien sûr, d'investissement en ces jeux vidéo-là. On reste persuadé que les téléphones intelligents, tout multimédia et puissants qu'ils soient, n'ont pas les capacités des machines de jeux dédiées chez Nintendo. Nintendo cherche à éviter la cannibalisation de leurs autres produits sans pour autant passer à côté des possibilités nouvelles qu'offre la possession de téléphones intelligents multimédia par une proportion croissante de personnes dans toutes les catégories publiques. Je sais que moi, le premier, s'il y a des jeux de Mario, je vais les acheter, je vais faire bite now, t'sais, à chaque jeu, et puis je jouerai jamais avec, comme la plupart des jeux sur iPhone. Hein, c'est... une annonce donc qui semble néanmoins marquer une évolution notable de la maison mère des Pokémon, jusqu'ici assez réticente à employer des personnages vedettes ailleurs que dans les jeux pour consoles. Concrètement, Nintendo va prendre 10% de Dina pour 22 milliards de yens, donc 160... C'est 1,4% de Nintendo pour la même somme. Une participation croisée censée matérialiser l'entente de coopération. Nintendo espère en tirer une meilleure promotion de son patrimoine, tandis que Dina souhaite doper son expansion internationale en s'alliant à la ribambelle de vedettes qui font le succès des jeux de Nintendo à travers le monde, qu'il s'agisse du célèbre plombier moustachu Mario de Zelda ou encore de Pikachu. J'essaie de voir 170 millions d'euros en dollars canadiens. Si mon Google Foo est assez rapide pour ça, ça prendrait bien gros. C'est trop difficile. Faut l'écrire en anglais, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire avec Google. J'ai beau être sur Google Québec français, il faut que je tape en anglais pour avoir des résultats qui ont de l'allure. Mais bon, ça fait 231 millions de dollars canadiens. Tu vois, j'ai marqué 170 million euros in Canadian dollars. C'est le premier résultat, c'est une conversion. Puis c'est écrit en français en dessous, t'sais. Mais si l'écrit en français, ça marche pas. Je comprendrai jamais Google. Bref, voilà pour Nintendo. Et finalement, parlant de Nintendo... Installer Netflix sur la console NES de Nintendo sortie en 85, une expérience étonnante réalisée par 3 développeurs du service de SVOD de vidéos sur demande de Netflix. Début mars, s'est tenu le Netflix Hack Day, une journée durant laquelle 150 développeurs, ingénieurs et designers ont été invités à faire preuve d'imagination autour du service de vidéos à la demande sur abonnement. Au total, ce sont près de 70 hacks qui ont été réalisés. L'un de ceux qui a le plus retenu l'attention se nomme Darkness et concerne le développement d'une application Netflix sur la console NES de Nintendo. Donc, Guy Cerino, Alex Wolf et Karenina Motion, trois développeurs de Netflix, ont travaillé sur ce programme semi-fonctionnel qui prend place sur une cartouche destinée à la console. Dans une courte vidéo, ils insistent sur le fait que cette dernière n'a pas été modifiée. On imagine qu'il a cependant fallu ruser pour pouvoir stocker dans une cartouche d'une capacité de 256 kilooctets, donc un quart de meg. Il y a 1024 meg dans un gigaoctet. Les informations nécessaires au fonctionnement du programme qui contient au moins l'introduction à un épisode de House of Cards que personne n'aimerait s'infliger dans cette qualité. Moi j'aime ça, je trouve ça très beau. Le projet de Harness n'a pas la prétention d'offrir une version de Netflix fonctionnelle sur NES. Il s'agit principalement d'un clin d'œil au fait que la plateforme de vidéo sur demande est disponible sur la plupart des supports d'aujourd'hui, que ce soit la télé, les smartphones, les tablettes, l'ordinateur ou les consoles de jeux de nouvelle génération. Donc pourquoi pas la NES. Allez voir la petite vidéo sur assemblagerequis.com, bien sûr, pendant que nous, on parle des jeux les plus loués en club vidéo. Donc allons-y avec les positions 10 à 1, je pense qu'au complet. Devil May Cry Definitive Edition sur Xbox One en 10e, ensuite en 9e Minecraft PS3 Edition sur la PS3, en 8e Minecraft Xbox 360 Edition sur la 360, en 7e Call of Duty Advanced Warfare sur la 360, en 6e Dying Light sur PS4, 5e même jeu sur Xbox One, 4e Devil May Cry Definitive Edition sur PS4, en 3e Legend of Zelda Majora's Mask 3D sur la 3DS, en 2e Grand Theft Auto 5 sur la PS4 et en 1er c'est Grand Theft Auto 5 sur la Xbox One. Voilà pour les jeux les plus loués, voilà pour le bloc Geek CNX. On prend une petite pause de chiptune, on s'en va entendre That Andy Guy, hein, avec une pièce qui s'appelle Alan Was Already a Real G. MPS, le Mathieu Plante Show. Sur C'est Fou 89 1980 FM. Découverte. C'était Mail Order Monsters et la pièce Cynthia sur leur nouvel album, leur premier en fait, qui porte le même nom, Mail Order Monsters. Avant ça, on a entendu That Andy Guy par Industrial Parasite. Alan was already a real G, voilà, était le nom de la pièce. C'est sur cet album-là. Donc, Real G's Play NES. Play Super NES, disponible pour $5 sur le site officiel de That Andy Guy. Vous êtes toujours Mathieu Plancho, maintenant, c'est un fait, Tech Edition. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables, bien sûr, et cette fois-ci dans le domaine de la technologie, d'où le Tech Edition, tous les liens sur assemblagehockey.com, et on parle toujours de ce qui se passe cette semaine dans l'histoire, débutant avec le 11 mars. En 1985, la Southern New England Telephone Company allumait CONNET, C-O-N-N-N-E-T. C'est le premier réseau local public. Les clients pouvaient accéder à CompuServe, NewsNet et d'autres services à des vitesses allant de 4800 à 56 000 bits par seconde. C'est minuscule. Le protocole X25 de ce service-là est devenu obsolète dans les années 90 avec l'arrivée du Internet Protocol, le IP, comme on le connaît aujourd'hui. En 2011, Apple a commencé à vendre l'iPad 2, la version plus mince de son premier iPad, qui avait aussi une caméra maintenant. Le 12 mars 1923, l'inventeur Lee D. Forest faisait la démonstration du phonofilm à la presse. C'était la première fois qu'on faisait bouger les images avec une piste de son qui était intégrée, donc sound on film sur la piste même. En 1989, Tim Berners-Lee écrivait un papier proposant un système de gestion de l'information qui est devenu la fondation du World Wide Web. Il appelait ça le MESH, à ce moment-là, M-E-S-H. Le 13 mars 1781, l'astronome anglais William Herschel observait ce qu'il croyait être une comète au départ, mais finalement, c'était la planète Uranus. C'était la première planète à avoir été découverte grâce à un télescope. En 1882, à l'institution Royal Institution, Edward J. Muybridge faisait la démonstration d'un zoopraxiscope, un appareil qui montrait des photos d'animaux en train de bouger. On appelle ça des fois le premier projecteur de film. C'est pas tout le monde qui pense ça, mais c'est un des premiers, en tout cas, projecteurs de film. Le 14 mars 1839, Sir John Herschel a présenté sa Note on the Art of Photography or the Application of the Chemical Rays of Light to the Purposes of Pictorial Representation à la Royal Society. C'était probablement la première fois qu'on utilisait le mot photographie. Donc c'était en 1839, la première utilisation du mot photographie. Tout ça pour dire ça finalement. Et en 2013, Samsung annonçait le Samsung Galaxy S4 que son téléphone allait donc sortir au mois d'avril. Leur présentation, influencée par Broadway, a été vraiment critiquée par bien des gens. Le 15 mars 1985, Symbolics, une compagnie d'ordinateurs du Massachusetts, enregistrait le premier nom de domaine sur Internet, Symbolics.com, le domaine qui est maintenant une propriété d'une compagnie d'investissement qui utilise pour faire du marketing. Les restants de la compagnie d'origine Symbolics survivent encore. Les restes sont encore sur Internet, Symbolics-DKS.com. Donc le site d'origine a été racheté, mais Symbolics-DKS.com est leur plus récente adresse. Le 16 mars 1999, Sony sortait EverQuest, le jeu massivement multijoueur en 3D, où on pouvait jouer en tant que sorcier ou chevalier ou plein d'autres affaires. Ça a été suivi deux ans plus tard par Ultima... deux ans plus tard par Ultima Online et plus tard World of Warcraft. En 1999, toujours le 16 mars et toujours la même année, Mac OS X Server 1.0, la version très anticipée de OS X version bureau. Donc c'était le précurseur de la version de OS X qu'on allait avoir plus tard. Sauf que c'était Mac OS X Server qui est sorti avant, donc en 99, nom de code Hera. Voilà. Est-ce que le nom de code Hera va avec la version bureau ou la version serveur? Pas clair dans l'article, mais bon. C'est important, mais ce n'est pas tant que ça non plus. Et finalement, le 17 mars 1953, le chercheur australien David Warren nous amène l'idée d'un appareil qui enregistrerait les sons du cockpit et des instruments pendant un vol d'avion. Son ARL Flight Memory Unit allait éventuellement devenir plus connu sous le nom de boîte noire. Ah! Tant qu'à être dans cet effet et d'avoir encore une demi-heure devant nous, est-ce qu'on continue avec quelques faits de jeux vidéo? Je pense que oui. Super Smash Bros. Melee sur la GameCube, la lignée de combattants finale. À l'origine, il était supposé avoir seulement 20 personnages. On ne compte pas Sheik là-dedans. Par contre, à un certain moment pendant le développement, les développeurs ont trouvé que c'était pas assez de combattants. Donc, on a ajouté plusieurs model swaps. Ça, c'est quand on prend un personnage, qu'on change ses couleurs, qu'on change quelques accessoires. Donc, il y avait Dr. Mario, qui est Mario avec un habit de docteur. Young Link, qui est Link, mais plus jeune. Falco, je sais pas. Ganondorf, Pichu et Roy. Donc, des personnages qui sont des model swap. C'est le même modèle 3D. Bon, on change les vêtements, on change les trucs autour. On reste dans Mario avec Mario Kart 8. Si on va voir les Yoshi qui regardent la course dans plusieurs tableaux, plusieurs pistes de course, on va voir qu'ils vont faire des bruits de Yoshi quand on s'approche d'eux. Mais il y a une chance au hasard qu'ils vont commencer à chanter, à chantonner la chanson de Totaka, qui est une mélodie en 18 notes que le compositeur Kozumi Totaka a cachée dans presque chaque jeu sur lequel il a travaillé. Totaka fait aussi la voix de Yoshi. Donc vous pouvez voir, aller voir ça sur assemblagerequis.com parce que je réalise que la vidéo que j'ai postée en ce moment, si je vous la fais jouer, ça va être une capsule avec plein d'autres affaires dedans. Fait que je sais pas si on va réussir à se rendre. Est-ce qu'on essaye? Je me sens chanceux aujourd'hui, ça va tellement bien. T'sais. Donc ça va être un épisode de Game Explain. Ouais, c'est ça exactement. C'est tellement une bonne émission en plus, Game Explain, mais je vais avancer un petit peu. On va avancer pas mal même. Ouais, pas mal. Ah, c'est voilà. On va approcher. Est-ce que j'ai déjà dit que j'adore Game Explain? Que je regarde des vidéos de Game Explain comme tout le temps? Ouais, bon. Même dans la vidéo, ça le dit en dessous. Well, probably not, because non. The music actually drowns it out. La musique est trop But forte. But here it is again, this time with the music removed. C'est cool. Ça, je veux dire, ils ont mis ça dans le jeu. C'est clairement la mélodie. Ça n'a pas le choix d'être la mélodie. C'est vraiment clair. Par contre, on l'entend tellement pas avec la musique par-dessus que c'est juste un petit œuf de Pâques, là, comme on dirait, qu'ils ont ajouté dans le jeu pour absolument aucune raison. Personne va aller en moto ou en auto vers la clôture voir les Yoshi de près, là. C'est rare, c'est le fun. C'est rare. Moi, j'adore ce genre de fait là, je trouve ça vraiment cool. Ensuite, parlons de Nintendo en général. Une publicité pour le premier Donkey Kong Game & Watch. Vous vous rappelez, les Game & Watch, c'est comme une Nintendo DS, mais sans aucune puissance graphique, avec des écrans noir et blanc où il y avait juste une affaire qui se passait, puis tu bougeais très très peu, coche par coche, puis tu faisais pas grand-chose, mais ça se repliait sur lui-même, c'était super cool. J'en ai déjà eu, j'ai vraiment aimé ça d'en avoir, mais quand même, c'est très très vieux. Donc, les Donkey Kong Game & Watch, à l'origine, dans les publicités, la demoiselle en détresse s'appelait Louise, et non pas Pauline. Hein? Bizarre pareil. Elle s'appelait Louise dans le jeu, alors que c'était devenu Pauline plus tard dans les autres jeux où on la voit. Dans Grand Theft Auto 3, à l'origine, il y allait avoir un mode à la première personne pour le jeu. Donc, complet, première personne, ça veut dire que t'es dans le corps de la personne. Quand tu vois pas du tout ton personnage, tu es les yeux de la personne. Les animations et même des références à ça existent toujours dans les fichiers du jeu. La vue à la première personne qui a été implantée seulement dans Grand Theft Auto 5, donc deux versions plus tard, deux éditions plus tard. Mais c'était supposé être à l'origine dans Grand Theft Auto 3 sur PC, PlayStation 2 et Xbox. Maintenant, on parle de Jurassic Park sur la Amiga. Dans le code du jeu, il y a un message agressif envers ceux qui voulaient pirater le jeu. En fait, ça dit sur la Amiga, mais je pense que pirater le jeu, ça doit être plus récent. Ça, je pense que ça doit pas être la bonne console. Mais bref, le jeu Jurassic Park a un message pour les gens qui vont pirater le jeu. On peut pas le voir dans le jeu, mais c'est vraiment dans le code du jeu. Et ça dit, je cite, c'est un peu vulgaire, « Message au fag shit ». And paraplegic, et les paraplégiques, et tous les autres dickheads, tête de noix. Donc, meilleure chance la prochaine fois. Essayez d'enlever plus de 20% de la protection cette fois-ci. Bande de useless cunts. Hein? Isn't it time you stopped pulling your dicks and left your bedroom and got a real job? Donc, n'est-ce pas le moment de lâcher certaines affaires en forme de... Et quitter votre chambre à coucher et vous trouver un vrai emploi. C'est ce que ça dit dans le jeu Jurassic Park. Ensuite, parlons de Pokémon Omega Ruby et Alpha Sapphire. On peut trouver une carte dans une des maisons dans Duford Town qui ressemble incroyablement à une des cartes sur le site de fans de Pokémon, Serebii.net, Serebii.net, mais virée à l'horizontale. La map vient de la section PokéEarth du site qui montre la position de plusieurs régions dans plusieurs jeux de Pokémon, par exemple Kanto et Sinnoh. Et donc, on a copié-collé la carte du site Serebii.net dans le vrai jeu Pokémon Omega Ruby et Alpha Sapphire dans une maison de Duford Town. C'est bizarre, hein? En passant, plusieurs des chansons du jeu Fez. Le jeu Fez est sur PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PS Vita et Xbox 360. Si on passe la chanson à travers un appareil qui s'appelle un spectrogramme, ça va révéler des messages cachés. Dans des codes QR, entre autres, des peintures par MC Escher et un portrait du président des États-Unis, Harry S. Truman. Si on joue la trame sonore de fait, c'est qu'on passe par un spectrogramme. N'est-ce pas fascinant? Voilà pour cet effet Tech Edition. On est maintenant rendu à notre série Spin Dash. Superbe série de musique qui rend hommage à Sonic the Hedgehog. Ça s'appelle Spin Dash, le Super Sonic Remix Album from Game Chops. Et on va l'entendre, on est rendu aux pièces 12 à 14. Donc on va commencer avec la 12e pièce. La voici à l'instant, c'est Graeme Kraft avec Escape from the City du jeu Sonic Adventures 2. On écoute ça à l'instant au Mathieu Plante Show. What? diversité. C'est fou, 89.1. Dead Egg, though, basé sur Sonic & Knuckles Death Egg Zone. Avant ça, c'était Tetra Case et Unlimited Colors de Sonic Colors Planet Wisp. Et avant ça, en 12e pièce de cet album, c'était Grimecraft avec Escape from the City. Une de mes pièces préférées de la trame sonore de Sonic Adventure 2, City Escape. J'adore la trame sonore de Sonic Adventure 2. Je trouve ça génial. Ça chante tout le long. C'est super catchy, super... certains diraient cheesy, mais cette version-là est tellement impressionnante. Je veux la réécouter tout de suite. Donc, les pièces 12, 13 et 14 de Spin Dash Super Sonic Remix Album from Game Chops. Il va le rester les positions, les pièces 15 et 16 la semaine prochaine. Et après ça, on va déjà avoir terminé Spin Dash. Ça a duré quoi, 3 semaines? C'est pas beaucoup. Mais 10 pour la prochaine série, vers le temps. Alors, on n'a pas le temps pour une autre chronique, mais on a le temps pour encore un peu de chiptune, donc écoutons-en une autre. C'est une version métal. Le groupe métal Apocalyptica, formé de contrebassistes et d'un batteur, a repris le thème principal de Angry Birds pour la promo d'un épisode de Season, du jeu Season, en fin d'année dernière. Donc, on va aller écouter ça. Apocalyptica et Angry Birds au Mathieu Planchot. Pourquoi pas? Ouais, ça arrive. Thank you. Lonely Southern Starlight par Iron Ore, précédé de Way of the Canceling Fist, a new version par Uncle BB. On a débuté avec une version métal de la chanson thème de Angry Birds. C'était à l'occasion d'un épisode d'Angry Birds Season qui se déroulait dans les régions enneigées de la Finlande que Rovio a sollicité le groupe de métal finlandais Apocalyptica pour reprendre le thème principal du jeu. Le groupe a été renommé pour cette occasion en Apocalyptica, une histoire de joke de cochon là, dans le jeu Angry Birds. Voilà, c'est tout pour le Mathieu Plancho pour aujourd'hui. Haha, merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis de 13h à 15h. On rappelle les jeudis de 17h à 19h. On se trouve aussi avec Stéphanie Paradis à Assemblage Requis et avec Jean-Philippe Charbonneau au Palmarès C'est Fou. Consultez la programmation complète sur cifre.ca. Retrouvez les notes de l'émission et les balados diffusion sur assemblagerequis.com. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. C'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye bye!